Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le podcast Frankenstein, le huitième du nom, sur les jeux alternatifs. Je suis sur le Discord de Casusno juste après l'enregistrement de la capsule de café du café nonobstant. J'ai avec moi une panel de 10 personnes de ce Discord qui vont pouvoir répondre à la question aux questions suivantes. Qu'est-ce que pour vous un jeu alternatif, donc un jeu peut-être différent, un jeu original, ce que vous voulez, quoi, c'est pour vous l'alternatif. Et surtout, qu'est-ce que vous y cherchez quand vous y jouez? Donc je vous laisse écrire un plus un dans le chat pour donner la parole. Eh bien, je ne sais pas trop ce que c'est, à vrai dire, qu'un jeu alternatif, mais si je le conçois, j'imagine que c'est, déjà, pour que ça soit alternatif, il faut que ça soit par rapport à quelque chose, donc on va être alternatif par rapport au principal, et donc vu que dans la conception podcast alternatif, jeu alternatif plutôt, c'est un petit côté sulfureux, on va donc partir du principe que c'est bien alternatif par rapport aux jeux principaux où j'ai souvent joué, c'est-à-dire Appel de Cthulhu, Donjons et Dragons, etc., etc. Donc si je pars dans cette logique-là, dans cette école de pensée, moi j'aurais tendance à dire qu'un jeu alternatif, ce que je vais y chercher, ça va être des expériences qui vont être différentes du jeu de rôle traditionnel, dit traditionnel d'ailleurs, parce que voilà, on va pas s'écharper sur ça, on a 3 minutes par personne, et aussi simplement tout ce qui va être système alternatif qu'on va avoir moins l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire ça peut être du diceless, ça peut être du jeton, ça peut être etc. Et peut-être aussi voir si de nouveaux systèmes, de nouveaux jeux, de nouveaux principes vont pas me permettre d'avoir une vision différente sur ma pratique habituelle que celle, on va dire, plus traditionnel, encore une fois, je voudrais pas redéfinir ce terme. Ego. Alors, pour moi, les jeux alternatifs, oui, c'est ceux qui, pour rejoindre Asgard Odin, je pense, c'est pour changer justement de ce que l'on a l'habitude de voir. Des jeux qui vont nous permettre de jouer en fait à des thèmes à part. Et comme justement ils permettent de changer par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, il faut, à mon avis, qu'ils soient faciles à prendre en main. Donc, faciles à assimiler et puis faciles à jouer, faciles à prendre en main par tous les intervenants. D'où le fait que souvent j'associe à alternatif des petits formats, même si je sais bien que ce n'est pas toujours le cas. Après, il y a un aspect. Je vais y mettre dedans tout type de jeu, même ces jeux qui ne sont pas considérés comme de rôle par le célèbre Grog, pour X raisons internes, à leur mode de fonctionnement. Et malheureusement, donc ces jeux vite assimilés, vite joués, sont parfois trop souvent vite oublié. J'y joue de temps en temps, enfin à plusieurs chaque année, mais ce n'est pas forcément ceux avec lesquels je vais avoir les meilleurs souvenirs, les souvenirs les plus marquants. Est-ce que j'ai des meilleurs souvenirs sur la durée? Non, pas forcément. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de règles pour que je sois marqué? Pas du tout, absolument pas, au contraire en fait, ou alors ça va être marqué mais dans le mauvais sens. Mais je trouve que souvent dans les jeux alternatifs, pas toujours, mais souvent, ça ne va pas forcément aller si loin que ça. Ou alors c'est peut-être la prise en main qui est pas si évidente que ça, parce que les thématiques originales qui sont abordées ne vont pas forcément parler aussi intensément à toute la table, et que par conséquent on va survoler la thématique, où on va rester dans les clichés, on va pas produire quelque chose de suffisamment original et intense au final, paradoxalement, au point que qu'on restera marqué. Ceci dit, j'ai quelques exemples comme ça de parties très marquantes, mais souvent elles sont dues en fait, ces parties marquantes, à de grandes rencontres. Des rencontres humaines, des rencontres avec des individus particuliers avec qui je n'avais jamais joué, et finalement il y a une alchimie qui se crée autour de la table qui fait que va naître en fait quelque chose de vraiment original, de vraiment particulier, ce petit jeu alternatif va être une étincelle en fait qui va mettre le feu aux poudres et on va créer quelque chose de vraiment très chouette, très fort, au point que ma meilleure partie 2019, c'est une séance sur un jeu alternatif. Sur un jeu qui tient sur des cartes à jouer et où certains pourraient douter en fait que c'en est un de jeu de rôle. Mais voilà, en tout cas c'était au niveau rôle, au niveau jeu aussi, c'était très très fort et je remercie énormément Mathieu B pour cette découverte et pour cette expérience exceptionnelle. Voilà. Mas. Moi, j'ai un... Alors, jeu alternatif, je sais pas trop ce que c'est, je suis un peu comme Asgard, parce que au final, il y a plein de jeux alternatifs qui essayent de copier. Parce que si on définit donc les jeux alternatifs, c'est des jeux qui ne sont pas donc des dés, Cthulhu, dans ce style-là, il y a beaucoup de jeux qui se disent alternatifs et qui vont justement aller chercher des façons de jouer qui sont au final très proches. Très proche de ces jeux, quoi. Alors, est-ce qu'on peut vraiment les appeler des jeux alternatifs? Donc, moi, j'ai plutôt allé dans le sens d'ego. J'ai plutôt réfléchi à la thématique, donc alternative dans la thématique, parce que il y a des jeux qui vont être dont la majorité des joueurs de jeux de rôle ne penseraient pas à jouer, des jeux qui vont jouer sur le genre ou des jeux qui vont jouer sur le total drama, des jeux sans MJ où on va construire tout l'univers et tout ce qui se passe autour des personnages, s'il y a des personnages, parce que j'imagine qu'il y a même des jeux où il n'y a même pas de personnages. Ah, le super jeu alternatif. Donc, moi, j'avoue que ça m'intéresserait, parce que comme je suis joueur, j'adore tout ce qui est jeu. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dedans. Il est évident que dans notre communauté, ça va être un peu plus. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué de faire accepter ce genre de jeu. Et beaucoup justement le définissent comme des jeux qui ne sont pas des jeux de rôle, mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, hein? Ça c'est une autre histoire. Moi, tout style de jeu, je suis curieux de tout style de jeu, donc j'avoue que l'alternatif, pourquoi pas. Mais je suis comme Ego, si c'est pour jouer à un jeu rapide comme ça, une séance pour juste ouais, moi, j'aime bien quand ça dure, j'aime bien quand on construit des choses intéressantes. Donc, je pense tout à fait qu'on peut le faire en alternatif. Hein. Qu'on construise des choses intéressantes, même si ça doit être sur une partie, je veux que ça soit quelque chose où les joueurs vont s'investir, entre guillemets. Au final, j'ai les mêmes attentes pour un jeu alternatif que pour un jeu mainstream. Quoi. Typiquement, quand je juge, je vais être immergé, je veux que ça donne des souvenirs, des bons souvenirs. Et voilà. Ego. Oui, pour préciser donc le jeu auquel je faisais allusion tout à l'heure, il s'agissait donc d'une partie de Homemaker. Qui est une variante de For the Queen. Dans Homemaker, on joue des intelligences artificielles qui cherchent à se libérer. Et c'était vraiment très fort, quoi. Au niveau de l'interprétation de chacun des participants, au niveau de l'immersion, au niveau de l'imagination de ceci, au niveau du jeu de l'interprétation, au niveau de l'histoire qui a été générée, très sincèrement, j'en ai des souvenirs comme si... Enfin bon, je vous apprends rien, mais c'est parti vraiment très intense où on a un film dans la tête, quoi, et où on s'en souvient comme si on avait réellement vu un film sur petit écran. Au grand. Okay, voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On arrive bientôt à la fin des 10 minutes, mais je serais intéressé d'avoir peut-être un participant supplémentaire. Donc rassurez-vous, on n'est pas des spécialistes. Hein, personne ne l'est sur Terre. Il n'y a pas vraiment de diplôme. Kanjar, vas-y. Moi, j'ai pas énormément de choses à répondre à cette question-là. J'ai une conception un peu relativiste, on va dire, d'un jeu alternatif. Ça va pas être alternatif par rapport au mainstream. Pour moi, alternatif, c'est tout simplement par rapport à ce à quoi je vais jouer d'habitude. Donc, on pourrait quasiment dire que pour moi, si je joue à Cthulhu, c'est un jeu alternatif parce que je n'y joue jamais. Mais les cas où je vais jouer à un jeu qui va être un peu alternatif, la plupart du temps, c'est un concepteur qui va me proposer « Tiens, est-ce que tu as envie de tester mon jeu ?» C'est un truc un peu original qui permet de faire ça. Donc, ce que je vais y rechercher, c'est il y a une découverte, quoi. Essayer d'entrer dans l'univers, dans l'idée de celui qui a proposé le jeu, même si c'est pas forcément le concepteur. Et deuxièmement, je vais y chercher la même chose que quand je joue à quelque chose de plus classique. On passe un bon moment, un moment agréable. Parfois c'est la recherche d'émotions, des choses comme ça. Parfois c'est simplement rigoler un bon coup. Parfois c'est juste surprendre et passer du temps ensemble, quoi. Ok, nickel. Voilà pour moi. Je crois que Ego vous veut préciser un truc. Ouais, c'était juste pour en conseiller un qui est au format très original, qui s'appelle Psyrun, et qui rejoint quelque part quelque chose que j'attends d'un jeu alternatif, c'est, pour ta deuxième question, c'est un jeu qui soit facile à prendre en main, très rapide, qui ne nécessite pas de préparatif, parce qu'en général, quand je prépare, j'y passe beaucoup plus de temps qu'à jouer purement avec mes partenaires. Donc, j'attends d'un jeu alternatif ça, quoi. La facilité de l'assimilation et de l'appropriation. Et Psyrun fait partie de ces jeux qui m'ont très agréablement surpris. C'est un jeu qui a été édité en français par Yusei, qui est aussi un de nos membres ici, et qui est un jeu vraiment très très sympa, une expérience très chouette à vivre, où on va jouer des personnages qui fuient poursuivis par des individus mystérieux qui veulent les rattraper, les faire prisonniers, voire les tuer. Et donc il y a toute une histoire qui se construit autour de ça, et c'est vraiment une expérience à part que je conseille vivement à tout le monde, quoi. Voilà, aller avec des mécanismes vraiment très originaux et très intéressants là aussi. Et qui reviennent justement un petit peu au débat qu'on a eu tout à l'heure dans la petite capsule, je rallonge un peu, sur les choix, parce que chaque jet qui est fait, vraiment chaque jet, tout jet de dés, implique tout un ensemble de choix, sans même que le meneur ait à faire quoi que ce soit avec ça, puisque le joueur va devoir disposer tout un ensemble de résultats, il lance un certain nombre de dés, dans différentes cases, et ce qui va impacter tout un ensemble de choses qui ne sont pas forcément liées directement à l'action en cours. Et donc, tous ces choix-là, très riches, qui enrichissent la fiction, sont vraiment très intéressants à jouer. Voilà. Et originaux, pour le coup. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à ces questions qui sont peut-être pas forcément faciles et évidentes. Hein, et donc je remercie le Discord de Cassius Novo, je remercie aussi le podcast de la capsule de café du café de Nonobstant de nous avoir permis aussi de réunir des gens, et à bientôt du coup sur les parties.